Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop, aujourd'hui une comédie française. Après avoir abandonné sa famille et fait fortune à l'étranger, Sylvain revient en France pour le baptême de son petit-fils et renoue avec ses enfants et son ex-femme. Mais tout le monde le sait, les réunions de famille ne se passent jamais comme on le souhaiterait, surtout quand votre arrivée est une surprise, pas forcément appréciée par tout le monde. Pourquoi tu ne dis jamais rien sur notre père ? Qu'est-ce que tu veux savoir ? J'ai rien à cacher. T'as rien à cacher, mais t'en parles jamais. T'as quand même pas demandé à ton père de venir ? Et en plus, il est avec sa femme. J'aurais jamais dû t'écouter. Je suis sûr que ça va mal se passer. J'ai envie de toi. Mais je te dis ! On sait que c'est de votre faute si on n'a pas vu notre père pendant des années. Enfin, Annie, ça va pas ? Maman veut pas le voir. Bon, bah, si elle veut pas me voir, je peux partir. Ah non ! Décidément, j'ai mal à dire. Tiens, pourquoi est-ce que moi, je pourrais pas être le père ? Hein ? Y'a pas de raison. Pourquoi est-ce que la paternité serait réservée aux hommes ? Je ne suis pas un père. Je ne veux pas être un père. J'en ai rien à foutre d'être un père. Qu'est-ce que tu fais ici ? Ben, je sais pas. Mais qu'est-ce qu'elle va penser ? Tu comprends rien. Pense surtout pas à ce que pense ma fille. Sinon t'es foutu. Ma fille, elle est comme moi. Ce qu'elle pense, c'est juste un truc pour vérifier si tu penses vraiment ce que tu penses. T'as compris ? C'est pas en couchant avec toi que ça va arranger les choses. Traite encore une fois ma famille de tarés, tu vas voir. Famille de tarés. La différence, c'est que c'est pas pareil. Une comédie avec François Berléand et Clémentine Célarier, un DVD One Plus One.